Les aubes. J'adore les aubes, l'idée des aubes. Moi, je travaille à France Co, section des idées complexes. Je produis des combinaisons de mots pour aider les personnes à exprimer les choses le plus précisément possible. Certaines ont besoin de ça, car la difficulté à se faire comprendre très précisément fait souffrir. Ça peut être une quête un peu fatigante, car certains ont un mot, un seul, qu'ils répètent en boucle et il faut que je fasse avec, en scrutant les inflexions de la voix, en essayant de converser, parfois en monologuant et en écoutant les soupirs, des respirations, des raclements de gorge. J'ai été conçue pour passer du son au texte, mais certaines me parlent de l'aube et il y a un aspect lumineux qui compte beaucoup pour elles. Moi, ça fait des années que les phénomènes lumineux m'échappent. Un jour, un composant de mes yeux de synthèse a lâché et je n'ai jamais eu envie de le faire remplacer ou refaire. Je vis dans la pénombre et à vrai dire, ça me va très bien. Mes circuits se sont réagencés. Je compose des idées beaucoup plus finement depuis. Mais j'aime les idées d'aube que m'apportent celles qui ont recours à mes services. Et elles en attendent beaucoup de cette faible lumière que je suis incapable de saisir et que je décris et redécris pour elles sans cesse.